D'ailleurs, tous ces bruits sont liés à des mouvements. Ils sont comme l'achèvement naturel de gestes qui ont la même qualité qu'eux. Et cela avec un tel sens de l'analogie musicale que l'esprit finalement se trouve contraint de confondre. Il attribue à la gesticulation articulée des artistes les propriétés sonores de l'orchestre. Et inversement. Une impression d'inhumanité, de divin, de révélation miraculeuse se dégage encore de l'esquisse beauté des coiffures des femmes, de cette série de cercles lumineux étagés, faits de combinaisons de plumes ou de perles multicolores, et d'un coloris si beau à leur réunion, que leur réunion a l'air justement révélée, et dont les arêtes tremblent rythmiquement, répondent avec esprit, semble-t-il, au tremblement du corps. Il y a aussi d'autres coiffures à l'aspect sacerdotal, en forme de tiare et surmontées des grettes de fleurs raides, dont les couleurs s'opposent deux par deux et se marient étrangement. Avoué ou non avoué, conscient ou inconscient, l'état poétique, un état transcendant la vie, est au fond ce que le public recherche à travers l'amour, le crime, les drogues, la guerre ou l'insurrection. Le théâtre de la cruauté a été créé pour ramener au théâtre la notion d'une vie passionnée et convulsive. Et c'est dans ce sens de rigueur violente, de condensation extrême des éléments scéniques, qu'il faut entendre la cruauté sur laquelle il veut s'appuyer. Cette cruauté qui sera, quand il le faut, sanglante, mais qui ne le sera pas systématiquement, se confond donc avec la notion d'une sorte d'aride pureté morale qui ne craint pas de payer la vie, le prix qu'il faut la payer. À Jean Paulhan, neutre, féminin, masculin. Je veux essayer un féminin terrible, le cri de la révolte qu'on piétine, de l'angoisse armée en guerre et de la revendication. C'est comme la plainte d'un abîme qu'on ouvre, la terre blessée crie, mais des voix s'élèvent, profondes comme le trou de l'abîme, et qui sont le trou de l'abîme qui crie. Neutre, féminin, masculin. Pour lancer ce cri, je me vide, non pas d'air, mais de la puissance même du bruit. Je dresse devant moi mon corps d'homme, et ayant jeté sur lui l'œil d'une mensuration horrible, place par place, je le force à rentrer en moi.